trouvé Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Il s'agit sans doute de la plus longue affaire judiciaire française, l'affaire Saint-Aubin. La mort de deux jeunes gens dans un accident de la route qui n'en était sans doute pas un. Pendant plus de 30 ans, les parents du jeune homme tué se sont battus inlassablement pour faire éclater la vérité. Mais aujourd'hui encore, une partie du mystère demeure. Les secrets d'État ont la vie dure, quels que soient les gouvernements. Il y avait déjà longtemps que je voulais demander à mon interlocuteur hebdomadaire s'il connaissait tout ou partie de la vérité à propos de ce dossier. Et lorsque je lui ai posé la question avant les vacances, il me faut bien reconnaître que je ne l'ai pas senti très enthousiaste. Je n'en sais pas grand-chose, mais c'est une affaire qui sent mauvais. Je n'ai rien pu lui arracher de plus. Toutefois, il a promis de faire des recherches et d'interroger ses amis, ses étranges amis, qui exercent encore ou ont exercé comme lui des fonctions dans les services secrets. Alors cette semaine, enfin, il a satisfait ma curiosité. Mais tout au long de notre entretien, vous allez vous en rendre compte, Monsieur X ne m'a pas semblé très à l'aise. Peut-être même a-t-il escamoté une partie de la vérité. Alors avant d'écouter cet enregistrement, quelques explications sur cette affaire riche en rebondissements et en péripéties judiciaires. 5 juillet 1964, 7 heures du matin. Une traction avant roule à bonne allure sur la Nationale 7 entre Puget-sur-Argence et Fréjus. La route est humide et sinueuse. Dans son rétroviseur, le conducteur aperçoit une Volvo, carrosserie noire et toit blanc. On dirait une voiture de rallye, se dit l'automobiliste. Dans le rétro, l'image de la Volvo grandit très vite. Bientôt, l'auto noire et blanche est tout près derrière, sagement. Le conducteur de la traction se serre sur le côté droit de la route. La Volvo le double à grande vitesse. L'automobiliste a quand même le temps de noter que la voiture est immatriculée en Suisse. La Volvo disparaît très vite de sa vue. Mais quelques kilomètres plus loin, au lieu-dit les Esclapes, l'homme aperçoit au loin une masse noire au bord de la route. De la vapeur ou de la fumée s'en échappe. Encore quelques dizaines de mètres, le conducteur de la traction découvre la Volvo qui l'a doublée. Elle est encastrée dans un platane. Le choc a dû être terrible. À l'intérieur, un jeune homme et une jeune fille, sa passagère, tous les deux, sont très grièvement blessés. Ils mourront d'ailleurs en arrivant à l'hôpital. L'automobiliste prévient les gendarmes. Ceux-ci ne sont guère étonnés. Il y a tellement d'accidents sur cette portion de route. Et puis, manifestement, au volant de ce bolide, le conducteur devait rouler trop vite. Il a dû être surpris, faire une mauvaise manœuvre, perdre le contrôle de son véhicule. Bref, à l'évidence, il s'agit d'un banal accident de la route, ce que va conclure rapidement, très rapidement, la justice. L'affaire Saint-Aubin commence. 34 ans plus tard, la vérité n'est toujours pas connue, officiellement en tout cas. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Au fond, il n'y aurait jamais eu d'affaire Saint-Aubin si les parents du jeune homme ne s'étaient obstinés. Hein. C'est juste, je crois qu'il faut leur rendre hommage. Parce qu'il aurait fallu soulever des montagnes tant on a multiplié devant eux les obstacles. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, cette affaire me met mal à l'aise. Pourquoi, vous y avez joué un rôle? Aucun, heureusement pour moi. Car même si je n'ai peut-être pas les mains très propres, je n'aurais pas aimé être mêlé à cette histoire. On va y venir. Hein. D'abord, une première question. Pourquoi monsieur et madame Saint-Aubin n'ont pas cru que leur fils avait été victime d'un réel accident de la route? Oh, et bien parce que leur fils, Jean-Claude, était un conducteur très expérimenté. L'automobile, c'était même sa vie, puisqu'il était essayeur à Genève, chez Jaguar ou Volvo, je ne sais plus très bien. Ouais, mais même les meilleurs pilotes peuvent commettre des erreurs. C'est juste. Mais les Saint-Aubin, eux, sont persuadés que leur fils n'a pas fait d'erreur de pilotage. Et ils ont raison, vous allez le voir. Mmh. Une conviction, enfin, si forte soit-elle, hein, ne suffit pas. En effet. Et les Saint-Aubin, qui heureusement ont quelques moyens financiers, ils sont propriétaires d'une importante bijouterie à Dijon, vont se livrer à un véritable travail d'enquête. Et assez rapidement, ils se rendent compte qu'on essaie de leur cacher quelque chose. Comment ils se... Bien, le premier élément qui leur semble suspect, ils le trouvent dans le dossier même de l'accident. En comparant le croquis établi par les gendarmes et le tracé de la route, ils s'aperçoivent d'un certain nombre d'erreurs. Par exemple Eh bien, sur le croquis, on indique la présence d'un dos d'âne à 90 mètres de l'arbre contre lequel la Volvo s'est brisée. Dourdan qui aurait surpris le conducteur et déséquilibré le véhicule. Or, ce Dourdan existe bien, mais il se trouve en réalité à 150 mètres du lieu de l'accident. Et ça, cette erreur, ça signifie quoi, à votre avis ? Il est évident qu'on a voulu à tout prix accréditer la thèse d'un accident dû à une vitesse excessive. D'accord, mais enfin, les gens qui ont fait ces relevés auraient pu simplement se tromper. Non, mais attendez, c'est loin d'être fini. Les Saint-Aubin s'adressent à la justice. Ils veulent qu'on ouvre une véritable enquête sur cet accident auquel ils ne croient pas. Mais le magistrat refuse. Pour lui, les choses sont claires. Après une longue nuit de conduite, Jean-Claude, fatigué, a vu trop tard ce Dourdan. Peut-être même s'est-il endormi. Fin de non-recevoir. Oui. Mais les Saint-Aubin ne sont pas des gens à renoncer. Et je vous l'ai dit, ils vont se livrer à une véritable enquête. Quelques mois après la mort de leur fils, en retournant sur les lieux de l'accident, ils apprennent qu'un témoin existe. Un témoin d'accident ? Oui. C'est une pompiste qui leur confie cette précieuse information. Une information qu'elle tient d'un officier du camp militaire de Puget-sur-Argens. Et que lui a dit exactement cet officier ? Il lui a affirmé qu'un ancien harkis employé dans une cimenterie voisine s'est confié à lui le jour même de la mort de Jean-Claude Saint-Aubin. Il lui aurait dit « J'ai vu un accident en me rendant à mon travail, c'était pas beau. Un camion militaire est sorti d'un chemin et a projeté une voiture contre un arbre. Et puis le camion a pris la fuite, il était suivi par une 203. Il ajoute même qu'il a cru remarquer que sur la plaque minéralogique de la 203, il y avait une flamme tricolore. » Donc un véhicule militaire ? Évidemment. Et que font les Saint-Aubin alors ? Naturellement, ils essaient de retrouver ce harkis. Mais l'homme a déménagé et il va s'écouler de longs mois avant qu'ils ne le retrouvent enfin. Et que font-ils en attendant ? Ils communiquent l'information aux autorités. Une enquête est diligentée, elle établit qu'un camion militaire du camp de Puget-sur-Argens a bien circulé sur la Nationale 7 ce matin-là. Le conducteur est interrogé. Il dit que lorsqu'il est passé à la hauteur du lieu-dit Les Esclaves, vers 7h10, les gendarmes étaient déjà présents et canalisaient la circulation. Or, sur le procès-verbal rédigé par les gendarmes, on lit qu'ils ne sont arrivés sur les lieux qu'à 7h40. Mensonge. Mais informé que ces déclarations sont en contradiction avec le procès-verbal des gendarmes, le chauffeur militaire modifie son témoignage et affirme qu'il est en fait passé plus tard sur les lieux de l'accident. Oui, c'est curieux. Oui. Et plus que jamais, les Saint-Aubin sont convaincus qu'on leur cache la vérité. Il leur faut donc retrouver à tout prix le harkis. Quand ils le localisent enfin, l'homme, un certain Mohamed Moualkia, raconte ce qu'il a vu. Il affirme que le camion de l'armée a délibérément coupé la route à la Volvo que conduisait leur fils. Surpris, celui-ci a essayé d'éviter le camion, mais il l'a heurté à l'arrière et la voiture déséquilibrée est allée s'écraser contre un arbre. Et la 203 ? Moualkia confirme qu'il y avait bien une voiture de l'armée derrière le camion et que les deux véhicules militaires ont filé immédiatement après l'accident. Prudent, les Saint-Aubin recueillent ce témoignage devant huissier. Ils se méfient. Bien sûr, ils ont déjà été échaudés. À partir de là, j'imagine quand même que l'enquête pourrait être rouverte. Eh bien non. La justice refuse d'entendre le harkis. Avec quels arguments ? Les magistrats disent que Moualkia a sans doute été témoin d'un autre accident, ou mieux qu'il a tout inventé. Mais il faut quand même le prouver. Eh bien, on dit au Saint-Aubin que le registre de la cimenterie où travaillait Moualkia a été consulté. Or, le jour de la mort de Jean-Claude, le harkis a pris son travail à 5h du matin. Il n'a donc pas pu être témoin d'un accident qui s'est produit à 7h. Mais ça, c'est vrai. Oui, mais les Saint-Aubin ne sont pas disposés à en rester là. Et eux aussi, ils vont consulter le fameux registre de la cimenterie. Et ils s'aperçoivent alors que ce registre a été maquillé. Assez grossièrement d'ailleurs. Un 5 surcharge le 7 qui a été initialement écrit. Donc ce harkis, comme il l'a dit, a réellement embauché à 7h. Il a pu être témoin de l'accident. Alors, les magistrats ? Ils refusent de tenir compte de ce nouvel élément et les époux Saint-Aubin sont déboutés de la plainte qu'ils ont déposée pour falsification. Pourtant, une fois encore, les Saint-Aubin ont fait constater par huissier que le registre a bel et bien été surchargé. Ça paraît quand même incroyable. Oui, d'autant que les Saint-Aubin ne ménagent pas leur effort. Ils s'adressent successivement au parquet de Draguignan, au parquet général d'Aix-en-Provence, au tribunal de grande instance de Draguignan et encore à la direction générale des affaires criminelles au ministère de la Justice. Mais rien n'y fait. On ne veut pas les entendre. Et que pensent-ils alors ? Quel est leur état d'esprit ? Mettez-vous à leur place, sans être paranoïaque, on peut imaginer que cette affaire dissimule une vérité gênante, très gênante. Secret d'État ? Pourquoi pas ? Puisque les plus hautes autorités, l'armée, la justice, font obstacle à la manifestation de la vérité. Mais ce qui trouble surtout les Saint-Aubin, c'est le rôle de leur fils dans cette affaire. Pourquoi a-t-on voulu l'éliminer ? Pourquoi lui ? À moins qu'on ne l'ait pris pour un autre. Une idée qui fait peu à peu son chemin dans les réflexions des parents de Jean-Claude. Rien dans la vie de Jean-Claude Saint-Aubin ne pouvait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Et M. X a affirmé que les parents du jeune homme ont assez vite pensé qu'on avait pris leur fils pour un autre. Mais qui était la passagère de Jean-Claude Saint-Aubin? On en a très peu parlé parce que ses parents, contrairement au Saint-Aubin, ont accepté la version officielle, celle d'un accident ordinaire de la route qui s'explique par une trop grande vitesse. Dominique avait 16 ans. Et tout comme Jean-Claude Saint-Aubin, on voit mal qui aurait pu en vouloir à cette fille de pâtissier dijonnais sans histoire. Dans un article de France Soir de septembre 1990, j'ai trouvé une interview de la sœur de Dominique. Elle déclare « Les Saint-Aubin ont multiplié les procès. Cela apaisait peut-être leur chagrin. Nous n'avions ni les moyens, ni le loisir de passer 26 ans à rechercher les circonstances de la mort de Dominique. Après tout, qu'elle reste la passagère inconnue, c'est mieux pour tout le monde. » Curieuse phrase. L'affaire va rebondir d'une façon tout à fait incroyable en 1970. Donc, 6 ans déjà après la mort des deux jeunes gens. Oui. Un jour, les Saint-Aubin reçoivent une lettre d'un garagiste suisse qui leur réclame une forte somme correspondant aux frais de gardiennage de la Volvo accidentée de leur fils. Et je vois là rien de surprenant. Eh si, parce que les Saint-Aubin disposent d'un certificat de destruction signé par deux douaniers. Les gabelous affirment que l'épave de la Volvo a été brûlée et cassée sous leurs yeux. Il s'agit donc d'un faux si la Volvo se trouve en Suisse. Exactement, car c'est bien la voiture de Jean-Claude qui a été transportée chez ce garagiste. Alors, mais pourquoi y a-t-il eu un faux certificat? J'avoue que je ne comprends pas trop. Parce que s'il s'agissait de faire en sorte qu'un examen de l'auto ne puisse pas déboucher sur des éléments qui auraient pu faire la preuve d'une collision, il aurait suffi de détruire vraiment la voiture. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, l'épave de la Volvo a rapidement quitté les lieux de l'accident. Pour éviter une expertise sérieuse. Oui, et elle a été envoyée en Suisse. C'est ensuite seulement qu'on a eu l'idée de demander aux douaniers de faire ce faux certificat afin de dissuader toute possible curiosité. Malheureusement, pour ceux qui avaient imaginé cette manœuvre, le garagiste suisse a voulu rentrer dans ses frais de gardiennage. Ouais. Et cette histoire, alors, a débouché sur quoi? Ce faux certificat? Et c'était une aubaine pour les Saint-Aubin. Est-ce que ça leur permettait de déposer une nouvelle plainte? Et naturellement, et la justice a été contrainte d'ouvrir une information contre les deux douaniers en cause. Ouais, faux en écriture publique, hein, c'est grave. Et c'est même passible des assises. Et que s'est-il passé? Rien. C'est-à-dire? Les douaniers ont bénéficié d'un non-lieu. Je ne comprends pas, il y avait quand même ce faux certificat. Oui, mais la justice a estimé qu'il ne peut exister de crime de faux dans une altération matérielle de la vérité sans une intention de nuire. C'est encore une fois extravagant ce que vous me dites, parce que dans leurs attendus, c'est leurs attendus là que vous me citez, ils reconnaissent quand même qu'il y a eu faux. Tout à fait. Hein? Nous ne sommes pas au bout des extravagances, comme vous dites. Alors, allons-y pour la suivante. Exaspérés, on le serait à moins, par toutes ces obstructions, tous ces mensonges, les époux Saint-Aubin se rendent à Fréjus sur la Nationale 7. Et sur le platane contre lequel s'est fracassée la voiture de leur fils, ils collent une affichette où ils accusent gendarmes et magistrats, lâches et serviles d'avoir camouflé la vérité. Et qu'espèrent-ils en agissant ainsi? Provoquer une réaction, une plainte contre eux peut-être, qui permettrait de relancer l'affaire. Mais l'attitude de la justice, là encore, va être étonnante. Racontez. Le parquet de Draguignan ouvre effectivement une information contre eux. Mais le juge d'instruction chargé de l'affaire décide d'abord de soumettre les époux Saint-Aubin à une expertise psychiatrique. Il les prend pour des fous? Ou il veut qu'on les considère comme des fous. Ouais, afin de les discréditer définitivement. Ça, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Et les Saint-Aubin vont vraiment être soumis à une expertise psychiatrique? Non. Pour quelle raison? Les deux experts commis sont des Dijonnais qui connaissent parfaitement les Saint-Aubin et ont d'excellents rapports avec eux. Donc ils se désistent. Mais ça n'empêche pas le juge de prononcer un non-lieu en faveur des Saint-Aubin sous le prétexte qu'ils étaient en état de démence lorsqu'ils ont insulté par voie d'affichette la gendarmerie et la magistrature. Ouais, c'est-à-dire qu'on les déclare fous sans même les avoir examinés. Et oui, c'est ça. Et à ma connaissance, c'est une sorte de première judiciaire en France. Certainement. Oui. Mais les Saint-Aubin ne se découragent pas et contre-attaquent. Toujours devant la justice et toujours en vain, comme d'habitude. Mais ils commencent tout de même à y voir un peu plus clair. Et pourquoi? Un homme s'est manifesté. Un homme qui croit avoir compris une partie de la vérité. Qui est-il? Il s'appelle Jean Méningo. C'est un avocat au parcours atypique, sinon chaotique. Et pourquoi? Avant-guerre, le jeune Méningo, qui n'a que 20 ans, combat les troupes franquistes en Espagne au sein d'une colonne anarchiste. Plus tard, on le retrouve assez logiquement engagé dans les FTP où les communistes dominent. Après 1945, il s'inscrit à la SFIO. Mais la guerre d'Algérie éclate. Jean Méningo, qui affirme être choqué par la violence des attentats FLN, évolue peu à peu vers la droite. Et en 1960, on va le retrouver à la tête d'un des mouvements Algérie française les plus activistes, le Front National Français. Mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, en somme. C'est ça. Et naturellement, lorsque l'OAS est créé, Méningo en est, forcément. Et après l'indépendance algérienne, que devient-il ? Recherché par la police, comme beaucoup d'autres, il trouve refuge en Espagne. Ce qui était quand même assez curieux pour un homme qui a combattu Franco les armes à la main. C'est vrai. Et il continue à comploter ? Oui. Il fait partie de ces gens de l'OAS, comme Bidault, comme Soustelle, comme Susini et beaucoup d'autres, qui veulent continuer le combat contre De Gaulle. Et c'est là que ça devient intéressant. 1964, l'avocat se trouve maintenant à Genève, en juillet 1964. Juillet 64, c'est le mois où Jean-Claude Saint-Aubin et sa passagère trouvent la mort. Hein. Oui. Donc en juillet, Méningo a rendez-vous avec quelques-uns de ses amis du côté de Fréjus. Justement. Justement, oui. Ce n'est pas tout. L'avocat OAS roule dans une Volvo de la même couleur que celle de Jean-Claude Saint-Aubin. Une Volvo dont le numéro minéralogique est en outre très proche. Ouais, je vois où vous voulez en venir. D'éventuels agresseurs auraient pu confondre les deux autos. Et s'attaquer à Saint-Aubin alors que c'est Méningo qui était visé. Et ça vous paraît plausible ? Tout à fait. Et je suis à peu près persuadé que c'est ce qui s'est passé. Donc on voulait s'en prendre directement à Méningo ? Oui. Parce qu'il appartenait à l'OS. Incontestablement. Mais qui alors ? Les autorités françaises ? Le pouvoir gaulliste ? Je vais y venir, mais respectons la chronologie car vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. 1981 arrive. Les Saint-Aubin espèrent à juste titre que le nouveau pouvoir va soulever la chape de plomb qui pèse sur la mort de leur fils. Et effectivement, on leur donne des assurances, on va chercher, enquêter. Mais patatras, lorsque ces nouveaux enquêteurs, des magistrats, sont désignés, c'est pour s'apercevoir que le dossier judiciaire de l'affaire a disparu depuis 3 ans. Et non seulement le dossier judiciaire, mais aussi sa copie. Il n'y a rien, plus rien. C'est comme si l'affaire Saint-Aubin n'avait jamais existé. En septembre 1990, le quotidien Libération consacre un grand article à l'affaire Saint-Aubin. Voici ce qu'on y lit. En 1981, la donne et le gouvernement surtout changent. Auparavant déjà, les socialistes, à l'inverse d'une bonne demi-douzaine de ministres de la Justice, ont manifesté leur intérêt pour cette affaire. Bourguignon dans l'âme, les Saint-Aubin ont rendu visite au député de la Nièvre, François Mitterrand, qui leur a consacré des lignes émues dans L'Abeille et l'Architecte. À peine arrivé place Vendôme, Robert Badinter dépêche un de ses chefs de cabinet pour reprendre le dossier Saint-Aubin. Il est temps. Non seulement les faits sont prescrits, dans l'hypothèse d'un homicide volontaire, mais le dossier et son double ont disparu depuis 3 ans. Après quelques judicieuses questions orales à l'Assemblée, le garde des Sceaux annonce l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services juridiques. Les 3 inspecteurs pensent boucler la chose en 4 mois. Il leur faudra 4 ans. J'imagine que vous ne croyez pas que le dossier judiciaire ait pu être simplement égaré. Bah, bien évidemment, on l'a fait sciemment disparaître. 3 ans avant 1981, il y avait eu des élections législatives, où beaucoup prédisaient la victoire de la gauche. Il fallait donc se débarrasser de ce dossier au cas où... Donc, plus de dossier, il n'y a plus rien à faire. Heureusement, les Saint-Aubin avaient gardé dans leur coffre un grand nombre de documents. Et ces enquêteurs du ministère de la Justice ont quand même pu progresser avec ces quelques documents ? Sans grand enthousiasme. Pourquoi ? Bah, il n'est jamais très agréable de mettre en évidence les fautes commises par certains de vos collègues et la justice en général. Remarquez, quand on est poli, on ne dit pas faute, on dit dysfonctionnement. Ah oui, c'est politiquement correct. Oui, absolument. C'est ce qu'ont écrit d'ailleurs élégamment les magistrats dans leur rapport. Un rapport qui, il faut le saluer tout de même, reconnaissait pour la première fois l'existence du camion de l'armée. Et donc la responsabilité de l'État, alors ? Oui. Et en 1990, grâce à l'intervention du médiateur de la République, les Saint-Aubin recevront une indemnité substantielle. Ah bah, 26 ans après, quand même. Et autant vous dire que pour les Saint-Aubin, cette indemnité n'avait pas grand sens. Ce qu'ils cherchaient depuis un quart de siècle, c'était la vérité, seulement la vérité. Oui, mais ce rapport représentait tout de même une avancée. D'accord, mais il ne répondait toujours pas aux 2 questions essentielles. Qui et pourquoi ? Ou plutôt, il répondait par une autre interrogation assez troublante. Pourquoi la justice avait-elle aussi obstinément et aussi longtemps refusé d'écouter les Saint-Aubin ? Alors, il est peut-être temps pour vous maintenant de répondre à ces 2 questions. Hein. Qui et pourquoi ? Je vais répondre. Mais avant, je voudrais vous parler d'une autre mort. Le 3e mort de l'affaire Saint-Aubin. Et qui ? En 1984, des journalistes de télévision de TF1, je crois, veulent réaliser un documentaire sur l'affaire. Bien sûr, les Saint-Aubin coopèrent. Et il donne au journaliste l'adresse de l'unique témoin. Et l'ancien harki, Mualkia. Oui, mais l'homme est absent et on lui laisse une lettre. Dès le lendemain, Mualkia appelle les Saint-Aubin et dit qu'il est d'accord pour témoigner devant la caméra. Rendez-vous est pris, puis c'est le silence. Le silence. Ouais, Mualkia, qui devait téléphoner à TF1, ne se manifeste pas. Et deux jours après son coup de téléphone au Saint-Aubin, on retrouve son corps calciné dans son appartement. Calciné. Oui, calciné. La gendarmerie qui mène l'enquête conclut que Mualkia s'est endormi en fumant une cigarette. Une cigarette qui a mis le feu. C'est un peu étrange. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Étrange aussi le fait que la porte de l'appartement était fermée à clé et qu'on n'a jamais retrouvé cette clé. Vous pensez à un assassinat donc? Comment ne pourrais-je pas y penser? Mais vous avez une certitude? Honnêtement, non. Mais la coïncidence entre le tournage prévu par la télévision et la mort de Mualkia est quand même diablement troublante. Et vous ne pouvez pas en dire un peu plus? Non. Bon. Alors maintenant, vous pouvez peut-être révéler ce que vous savez réellement. En 1964, il existait encore des gens de l'OAS qui pouvaient être dangereux et qui pouvaient attenter à la vie du chef de l'État. Vous les connaissiez? Écoutez, je vais être clair, dans les services... Dans le SDEC, hein? Oui, dans les services, donc on refusait d'être mêlé à la lutte anti-OAS. Mais pourquoi? Parce que certains officiers avaient eu ou avaient encore des sympathies algériennes françaises? En partie, oui. Et puis le général Grossin, le patron du SDEC de l'époque, pendant la guerre d'Algérie, je veux dire, était pied noir. C'est lui qui a refusé avec la plus grande fermeté que les services soient impliqués dans ces affaires. D'accord, mais la vraie raison... Grossin voulait préserver l'unité de la maison. Il voulait surtout éviter que ces hommes ne soient amenés à faire un travail de flic contre des Français. Il n'avait pas eu autant de scrupules lorsque le SDEC avait été conduit à combattre les hommes du FLN. Parce qu'après tout, avant l'indépendance, c'était des Français eux aussi, non? Vous avez raison. Mais à l'époque, dans les services, on ne posait pas trop de questions lorsqu'il s'agissait de traquer le FLN ou les marchands de canons qui lui fournissaient les armes. Donc, d'après vous, le SDEC n'a rien à voir dans l'affaire Saint-Aubin? Ça, je l'affirme solennellement et je m'en félicite. Ouais, alors, je répète ma question. Qui? La lutte anti-OS a été essentiellement le fait de la sécurité militaire, l'ASM, comme on dit. D'autres services, comme les renseignements généraux, y ont participé. Mais lorsqu'il s'agissait de représailles et d'actions violentes, c'était l'ASM qui intervenait, avec l'aide d'auxiliaires plus ou moins recommandables. Ouais, gangsters, militants du sac... Vous avez tout compris, non? Et en 64, mais vous dites, l'OS est toujours dangereuse. Oui, malgré l'opération Réconciliation dont je vous ai longuement parlé. Une opération qui visait à récupérer les militants de l'OS exilés en Espagne. En leur garantissant l'impunité, oui. Donc malgré cela, des excités continuaient. Et des gens particulièrement efficaces et redoutables comme l'ancien adjudant Robin ou Gilles Bouchia, qui venait tout juste de s'évader de prison. Donc on pouvait craindre encore un éventuel attentat à cette époque-là. Exactement. Et les gens de l'ASM, la sécurité militaire, ont appris qu'à Genève, on préparait quelque chose. À Genève, où s'était réfugié l'avocat Jean Méningo. Oui, aussi des types comme Susini. Et que se préparait-il? Un nouvel attentat contre le général de Gaulle. Un attentat qui était prévu à l'occasion des fêtes du 20e anniversaire du débarquement allié en Provence. Mais c'est l'attentat du Montfaron, ça? Oui, un attentat qui a échoué, comme vous le savez, puisque les charges placées dans des jarres n'ont pas explosé. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard. Parce que l'ASM, la sécurité militaire, a fait ce qu'il fallait avant? Oui, bien entendu. Mais, et l'affaire Saint-Aubin, alors? L'ASM sait donc qu'il se trame quelque chose. Et lorsqu'elle apprend que l'avocat Méningo se rend sur la Côte d'Azur, elle imagine qu'il s'agit peut-être de préparer l'attentat et elle anticipe. C'est drôle. C'est exactement anticipé, là. C'est exactement le verbe qui a été utilisé dans l'affaire du Rainbow Warrior par Ernu, je crois. Non, par l'amiral Fage. Que voulez-vous, on ne s'en refait pas. Ah, oui, mais anticiper dans le cas de Méningo, ça veut dire quoi? L'intercepter, le faire parler. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste. L'idée était de provoquer un accident et de s'emparer de l'avocat. Mais la voiture qu'ils ont prise pour celle de Méningo roulait trop vite et l'accident a été mortel. Pour moi, voilà la vérité. Et lorsque les hommes de l'ASM ou les auxiliaires qui travaillaient pour elle se sont aperçus de leur tragique erreur, ben, ils se sont enfuis. Et ensuite, ce silence de l'armée, de la justice, tous ces camouflages? Et il s'agissait d'un secret d'État, monsieur Pénaud. Un odieux secret d'État. Personne ne devait savoir que deux malheureux jeunes gens avaient payé de leur vie cette méprise. Cette version n'engage uniquement que monsieur X, et je n'ai trouvé nulle allusion à une semblable hypothèse. Par contre... Dans le livre de Douglas Porsche sur l'histoire des services secrets français, publié chez Albin Michel, je lis ceci. Un seul service combattit réellement l'OAS, la sécurité militaire, SM. La mission consiste à constituer de volumineux dossiers sur le personnel des armées. La SM avait contracté le virus Action. Sous la direction du général d'aviation Charles Février, ancien de la France libre, elle créa une division des missions et des recherches afin d'identifier et mettre hors d'état de nuire les officiers soupçonnés de sympathie envers l'OAS, puis de démasquer les pilotes servant d'agents de liaison. Ce n'était pas tout. Elle infiltra un de ses membres, ancien para plus tard assassiné, dans les rangs de l'organisation et loua les services d'un gangster, Jean Auger, afin d'assassiner deux officiers du SDEC passés aux factieux. D'autre part, le colonel Leroy Fainville, qu'on retrouvera plus tard dans l'affaire Penbarca, livre une anecdote très révélatrice dans son livre de mémoire « SDEC Service 7 », ouvrage écrit avec le journaliste Philippe Berner. La guerre d'Algérie est alors terminée. Leroy Fainville est convoqué par un collaborateur du Premier ministre Georges Pompidou, le préfet Pateau. Celui-ci lui dit, je cite l'officier du SDEC, « Voilà, je sais que vous disposez en Espagne de tout un dispositif qui a fonctionné admirablement pendant la guerre d'Algérie. Le problème, vous le savez, est maintenant différent. Des gens de l'OAS se sont fixés du côté d'Algésiras et à Palma de Majorque. Nous aimerions les éliminer définitivement. » Leroy Fainville surécrit, il dit que la guerre est finie, que ces exilés essaient de se refaire une nouvelle vie à l'étranger. Le préfet Pateau lui répond que ces gens-là demeurent des ennemis potentiels et qu'ils n'auront de cesse de se venger et de fomenter de nouveaux attentats contre le général de Gaulle. Et il ajoute, ces gens-là ont cessé d'être français lorsqu'ils ont pris parti contre le gouvernement de leur pays. Ils doivent être poursuivis comme des animaux nuisibles. Le roi Fainville refuse tout net. Il ajoute qu'il refusera une nouvelle fois la besogne qu'on lui propose en présence du Premier ministre lui-même. À samedi prochain sur France Inter. Merci Patrick Pénaud. Puis je vous rappelle que vous pouvez désormais retrouver Monsieur X en librairie dans Mémoire secrète de Monsieur X, présenté par Patrick Pénaud aux éditions de Noël France Inter.